depuis jour là moi qu'attend fou. Je dis où vivre en vieillant moi. En pâté ça si on joue en teke peigné. En prier bon Dieu pour un miracle fini écrit. Si vous n'aimez. Toi mon bébé, ma vie, ma fille, mon petit bébé. Toi mon bébé, ma raison de vivre mon bébé. Donné un sens à ma vie, dès le premier jour où j'ai entendu ton cri. Ma souffrance d'un coup disparue, pour laisser place à un amour infini. Où c'est Jay en moi, où c'est vie en moi, où c'est soleil moi. Sans vous vie en moi, pas t'éguer ailleurs. Où c'est Jay en moi, où c'est Jay en moi, où c'est vie en moi. Je serai toujours près de toi pour t'épauler, quels que soient tes choix. Maman sera là. Toi, mon bébé, ma vie, ma fille, mon petit bébé. Toi, mon bébé, ma raison de vivre, mon bébé. Mon petit bébé, toi mon bébé, ma raison de vivre, mon bébé.